Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le nouveau rendez-vous économique de Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Alors lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, l'immobilier et plus précisément les métiers autour de la gestion immobilière, entrecoupés de chroniques animées. Aujourd'hui par Francine et Isabelle. Alors bonjour Francine. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérôme. Eh bien, donc, dans quelques instants, nous allons retrouver donc cette thématique de la gestion immobilière. Merci de rester fidèle à Radio Fadjet. Alors, quand on parle effectivement d'immobilier, on pense essentiellement aux agences immobilières et aux ventes et locations de biens immobiliers en lien certainement avec le succès des émissions immobilières à la télévision. Mais il y a une autre facette de l'immobilier qui est relativement peu connue du grand public et qui est pourtant très importante, la gestion immobilière, qui intègre les métiers d'administrateur de biens et de syndic. Deux métiers que l'on va tenter aujourd'hui de faire découvrir avec notre invité Hugues Deveau, donc qui est administrateur de biens et syndic de copropriété au sein du cabinet, justement, Hugues Deveau, implanté rue Saint-Dizier. Alors bonjour monsieur Deveau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet, hein, plantons tout de suite le décor, car si on compte environ 27 000 agences immobilières en France, on en dénombre environ 5 000 cabinets dont le métier justement est de gérer les biens immobiliers appartenant à des tiers. Alors monsieur Deveau, première question justement, quel est le rôle d'un administrateur de biens au sein de la filière immobilière ? Alors l'administrateur de biens, c'est un mandataire qui représente son mandant, qui est le propriétaire de l'immeuble ou de l'appartement, c'est le bailleur. Et l'administrateur de biens va endosser la totale responsabilité de la gestion de l'appartement ou de l'immeuble. Et on pourra détailler la mission plus précisément. Mais l'administrateur de biens, c'est celui qui va réellement se substituer au propriétaire, qui va rentrer dans les relations bailleur-locataire, qui va assumer la tenue de la comptabilité des loyers, des charges, qui régularisera les charges, et bien sûr, en tout premier lieu, qui va trouver des locataires, établir le bail, les engagements de caution, et qui va également établir les états des lieux d'entrée, de sortie, donc de sera amené à fixer éventuellement les réparations locatives, qui va donc, comme je le disais, tenir la comptabilité, préparer les états fonciers pour établir la déclaration de revenus fonciers. Et il a aussi une tâche très importante qui est de maintenir le patrimoine en bon état d'entretien, voire même de l'améliorer, surtout dans le cadre des éco-rénovations et de l'avenir un petit peu sombre de certains logements anciens. En matière d'économie d'énergie et de rejet de CO2. Donc des missions donc, très diversifiées, et donc on voit bien ici que le professionnel apporte une réelle valeur ajoutée par rapport à un particulier qui souhaite effectivement donc gérer lui-même donc le bien immobilier. Ah ben, la première fonction de l'administrateur de biens, ça va être d'apporter la tranquillité à son client. Et c'est vrai qu'on entend souvent des bailleurs dire qu'ils ont renoncé à louer parce qu'ils avaient vécu de mauvaises expériences. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte que tout se passe bien. Et c'est pas négligeable. Alors, bien sûr, la première qualité d'un gérant d'immeuble, ça va être de veiller à ce qu'il y ait une sélection de locataires convenable selon les critères qui sont généralement admis, d'avoir une grande réactivité vis-à-vis des questions de son bailleur et surtout des locataires, puisqu'aujourd'hui on peut considérer que le locataire est un véritable client de l'administrateur de biens, parce que sans locataire, il n'y a pas de bailleur, et sans bailleur, il n'y a pas d'administrateur de biens. Alors justement, entre la gestion personnelle hein, donc par le bailleur et la gestion confiée à un professionnel, est-ce que vous connaissez la part de marché justement des administrateurs de biens en France ? La part de marché, elle est relativement faible, puisqu'elle est de l'ordre de 20% dans le parc privé, ce qui n'est pas très conséquent au regard de ce qu'il peut apporter. Mais bien sûr, les bailleurs sont de taille, en termes de patrimoine, différente. La moyenne des propriétaires qui donnent aux locations en France, en termes de patrimoine, c'est 1,3 ou 1,5 logements. Donc on voit que les bailleurs ne sont pas tous des gros propriétaires fonciers. Mmh. Alors il est évident que les propriétaires qui ont un parc plus important propriétaire, personne physique ou société civile immobilière vont beaucoup plus s'adresser à un professionnel s'il y a une masse de logements ou de locaux commerciaux plus importante. Très bien. Alors donc, c'était donc le métier d'administrateur de biens, mais la gestion immobilière englobe également donc la fonction de syndic. Alors, même question que précédemment, quel est le rôle principal d'un syndic de copropriété ? Alors, le syndic est peut-être plus connu que l'administrateur de biens, parce que tout le monde a un syndic dans son immeuble, ou quasiment tout le monde, et on entend beaucoup parler des syndics. Le syndic, lui, c'est un mandataire également, mais c'est le mandataire du syndicat des copropriétaires. Il ne représente pas individuellement chaque copropriétaire, il représente le syndicat des copropriétaires qui a la personnalité civile. Le syndic, il détient ses pouvoirs uniquement de ceux qui lui sont confiés par l'Assemblée générale. Il est élu, et il est élu au moins tous les 3 ans, puisque la durée maximale de son mandat est de 3 ans. Et il va administrer, conserver l'immeuble, et bien sûr, ses fonctions sont très très larges. Alors, sa première fonction, ça va être tenir la comptabilité du syndicat, rendre des comptes, tenir les budgets, administrer les parties communes, exécuter les décisions qui ont été prises en assemblée générale, puisque le syndic ne peut que exécuter des décisions qui sont formellement prises en assemblée générale. Il va entretenir les bâtiments, établir les bulletins de salaire des concierges, représenter le syndicat des copropriétaires s'il y a des actions en justice, s'il faut recouvrir des charges impayées, s'il faut procéder à des déclarations de sinistre, aussi bien des simples déclarations de dégâts des eaux que des déclarations en dommages ouvrage. La mission est très très vaste. Et puis il y a cette fameuse assemblée générale, tant attendue de tous les copropriétaires une fois par an, qui illustre des fois la difficulté qu'il y a à faire cohabiter des copropriétaires et de leur faire adhérer à un intérêt collectif. C'est ça la mission du syndic. Voilà, donc on voit bien à travers la diversité des missions que c'est un métier assez complexe, hein, qui demande des compétences très diversifiées. Alors je suppose là que la part des professionnels de l'immobilier est beaucoup plus importante que pour le métier d'administrateur de biens. Déjà, chaque syndicat de copropriété doit être pourvu d'un syndic. C'est une obligation légale, alors pas nécessairement d'un syndic professionnel, mais la part de marché des syndics professionnels dans les immeubles de copropriété de plus de 25 logements est de l'ordre de 80%. Donc les syndics professionnels sont très présents pour administrer ces immeubles-là. Et on voit d'ailleurs aussi les petits immeubles, parfois de 4, 5, moins de 10 logements, solliciter des syndics professionnels parce que les syndics bénévoles considèrent que ça devient de plus en plus difficile d'administrer les immeubles, que le formalisme devient de plus en plus rigoureux. Et puis, un syndic bénévole, c'est nécessairement un copropriétaire. Or, la durée moyenne de détention d'un lot de copropriété étant de 8 ans, forcément, le syndic bénévole, un jour ou l'autre, va vendre. Donc, s'il vend, il faut qu'il retrouve un autre syndic bénévole dans l'immeuble. Et il n'y a peut-être pas toute la générosité de tous les copropriétaires pour devenir un bénévole et endosser cette responsabilité-là. Mais les syndics sont extrêmement présents. Très bien. Donc vous nous avez présenté donc les deux métiers, le métier d'administrateur de biens, le métier de syndic. Et on pourrait se poser comment accéder à ces deux métiers. Alors c'est justement à cette question que vous répondrez tout à l'heure après la première pause musicale, puisque nous avons pris l'habitude, lorsque nous recevons un invité, donc de nous faire découvrir ses coups de cœur musicaux. Alors Monsieur Deveau, quel a été votre premier choix ? Alors les Moriarty, je crois que tout le monde va se demander qui c'est. C'est un groupe qui a été créé à peu près en 1995, un groupe de Français qui vivaient aux États-Unis de parents américains et qui avait fait un groupe de guitare, de saxophone qui s'orientait plutôt vers le blues, la folk musique, et qui était passé aussi et qui s'était fait remarquer dans des grands concerts en France et qui avait été pris en main aussi pour leur scénographie par les auteurs des Chiens, Deschamps et Machiaïef. Très bien. Écoutez, on va retrouver tout de suite donc le groupe Moriarty en écoutant la chanson Jimmy. green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, now I didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Piss, and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the Buffalo. Voilà, c'était le groupe Moriarty. Jimmy, c'était le premier coup de cœur donc musical de monsieur donc Deveau, qui est notre invité aujourd'hui. Monsieur Deveau, qui est administrateur de biens et qui vient donc nous présenter donc les métiers donc de syndic et d'administrateur de biens. Alors justement, monsieur Deveau, donc on a présenté donc ces métiers, on va donc se poser la question: comment accéder à ces deux métiers? Je dirais même qu'il y en a trois. Hein. Allez-y. Trois, puisqu'il y a trois cartes professionnelles, oui. T, transaction, G, gestion, S, syndic. Et comment on accède à l'un ou à tout, à l'ensemble de ces trois métiers? Ben déjà, c'est par les filières qui existent, par les diplômes, bien sûr, hein, puisqu'il y a une réglementation sur les diplômes, les équivalences du diplôme pour accéder directement à la profession, licence en droit, licence d'économie. Il y a aussi la voie royale du BTS immobilier, profession immobilière, que je ne citerai pas, mais il s'agit du lycée Georges de la Tour, qu'on connaît bien et avec lequel on travaille depuis très longtemps et qu'on accueille des stagiaires en alternance ou en filière initiale. Donc voilà les voies pour accéder. Il y a aussi l'expérience, et c'est une bonne chose, puisqu'avec 10 ans d'expérience dans une des cartes professionnelles, on peut accéder à la profession. Bien évidemment, tout le monde comprendra que malgré une très bonne formation, sans expérience professionnelle, on peut difficilement créer son agence ou accéder directement à la profession, qui, je le rappelle, depuis la loi Elan, est une profession protégée, puisque le terme d'agent immobilier, d'administrateur de biens et syndic est aujourd'hui, sont aujourd'hui des termes qui sont, ou des qualifications qui sont protégées. Très bien. Donc après cette première partie, donc concernant donc la profession donc de gestion donc immobilière, donc on vous retrouvera tout à l'heure pour la suite donc de cet entretien. Mais nous avons pris l'habitude dans l'émission donc de parler également donc des entreprises effectivement locales, et on va retrouver dans quelques instants donc Francine qui va nous parler justement d'une entreprise locale. Alors Francine, je crois que nous restons à Nancy ce mois-ci. Eh oui Jérôme, nous allons rue Saint-Nicolas, donc pas très loin de Radio Fadjet, pour parler de l'entreprise Dao Devi. Alors j'ai eu envie de vous parler de cette entreprise pour plusieurs raisons. Déjà, son activité. Elle crée et fabrique des jeans, improbables de nos jours en France, puisqu'on sait très bien que ce genre de vêtements est fabriqué dans les pays à bas coût. Et autre raison, le profil du créateur, un jeune d'une trentaine d'années, totalement autodidacte, passionné, qui a réussi à atteindre l'objectif qu'il s'était fixé depuis très longtemps. Donc c'est donc une idée qu'il a eue très jeune. Ah oui, complètement, puisqu'à l'âge de 11-12 ans, il avait déjà décidé de créer sa marque. Alors le rêve s'est réalisé, et cette marque, c'est Dao. Donc à 14 ans, il savait que c'était dans le jean, suite à l'achat d'un jean neuf et trop grand, ce qui l'a amené à le retravailler et à le personnaliser. À 18 ans, il passe son bac et va travailler pendant 6 ans pour différentes marques de jeans, puis il décide de se lancer. Alors sa famille étant d'origine vietnamienne, il part dans ce pays pendant un an pour comprendre comment s'organise l'industrie du vêtement, puisque bon nombre de vêtements qu'on achète sont fabriqués là-bas. Alors justement, qu'a-t-il appris là-bas ? Eh bien, il a bien entendu appris les techniques de fabrication, mais il a surtout vu l'envers du décor et a cherché à le combattre. Car il a vu des enfants travailler dans des ateliers sombres, exigus, fermés. Aucune règle d'environnement n'est respectée. Par exemple, l'eau qui sert au délavement est réinjectée directement dans des étangs. Il faut savoir quand même que l'industrie de la mode est le deuxième plus gros pollueur du monde derrière l'industrie pétrochimique. Et donc en rentrant en France, il a ouvert son atelier. Alors oui, mais il commence déjà par créer sa société en 2012 et c'est en 2014 qu'il ouvre son atelier à Nancy. Il propose donc des jeans sur mesure, les produits sont personnalisés, on peut choisir le modèle, la coupe, le tissu et le fil qui va servir au montage du pantalon. Alors, au niveau de la matière première donc utilisée, donc le jean, c'est du coton. Eh bien, au début, il fabrique effectivement des jeans en coton. Mais le problème, c'est que cette matière est aléatoire en termes de traçabilité et surtout que la plante de coton n'est quasiment pas produite en France. Donc, il décide de créer un jean en lin. Car la France est le premier producteur au monde. 60% du lin mondial vient de France. Et 90% de cette production part à l'étranger pour revenir en produit fini. Donc autre point important pour le lin, il ne nécessite pas d'eau d'irrigation, alors que le coton en consomme énormément. Mais il a fallu s'armer de courage pour y arriver. 9 mois ont été nécessaires déjà pour stabiliser le produit, car le lin rétrécit en machine. Quand on y ajoute de l'élastane, c'est encore pire. Donc il a bossé pendant 2 ans avec un manufacturier local pour créer un jean qui va être produit à 97% en France. Le lin fabriqué est teinté dans le Nord et le tissage est fait dans les Vosges, à Rupt-sur-Moselle. Alors j'ai une question justement, comment peut-on tenir financièrement en démarrant une activité avec des délais aussi longs pour sortir un produit ? Eh bien il a fait appel à du financement participatif pour la partie commerciale, car pour lancer la fabrication, il a été obligé de commander 1000 mètres de tissu, ce qui est énorme. Alors les contributeurs s'engageaient donc à faire l'acquisition d'un jean. Il s'était fixé comme objectif de récolter 15 500 euros et il en a récolté plus de 120 000. Actuellement, il poursuit son développement avec pour objectif d'être référencé dans d'autres boutiques. Et pour l'instant, en plus de Nancy, on peut trouver ses produits dans des magasins à Paris, Marseille et Toulouse. Donc allez voir son site, il y a plein d'informations car il publie régulièrement des articles avec entre autres des conseils, des explications sur les produits et plein d'autres choses. Eh bien, merci Francine pour cette présentation donc, de l'entreprise donc, Dao Devi. Passons à la deuxième pause musicale. Donc, Monsieur Deveau, donc, vous avez choisi donc, pour cette deuxième pause Foule sentimentale d'Alain Souchon, c'est ça ? Bah, ça tombe bien parce qu'on a parlé d'économie solidaire, la manière de consommer. Je crois que dans la chanson de Souchon, tout est dit. Hein. Oui. C'est l'obligation de consommer n'importe comment et je crois qu'il suffit d'écouter. Voilà, on va réfléchir sur son acte de consommation. On retrouve tout de suite donc Alain Souchon, Foule sentimentale. D'avoir les quantités de choses qui donne envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire. Car foule sentimentale, on a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons. Et sans aucun avantage, on nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est. Des foules sentimentales, avec soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Louzouli. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moqueur du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on parle. Voilà, c'était Foule sentimentale, donc d'Alain Souchon, le coup de cœur de notre invité, donc monsieur Devaux, qui donc est administrateur de biens et syndic de copropriété et qui est notre invité pour donc l'instant écho. Voilà, maintenant on va passer directement donc à la chronique donc juridique animée par Isabelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de la société et plus précisément de la SARL, car notre invité a créé une SARL, le cabinet Devaux SARL. Alors, la SARL est une société. On distingue des sociétés des entreprises individuelles. La société est une personne pour le droit qui existe, donc juridiquement, contrairement à l'entreprise individuelle. Elle va donc constituer une barrière pour l'entrepreneur et les créanciers de l'entreprise. C'est un avantage très important, mais qui va nécessiter plus de formalités, notamment la rédaction de statuts qui va préciser son nom, dénomination sociale, son domicile, siège social, son activité, l'objet social. Alors, monsieur Devaux, pourquoi avez-vous décidé de créer une société plutôt qu'une entreprise individuelle ? Et est-ce vous qui avez créé cette société, cette SARL ? Alors, c'est moi qui ai créé la SARL en 2002, donc c'est pas si ancien que cela, puisque j'avais fait l'erreur de démarrer mon activité en tant que personne physique. Ah, donc c'était et une entreprise individuelle au départ. C'était une entreprise individuelle. Et il y a une particularité dans nos métiers d'administration de biens du syndic, c'est que comme nous sommes des mandataires, si on est en personne physique, le mandat va être confié à la personne physique, donc à moi en l'occurrence, à l'époque. Et le danger, c'est que si le propriétaire du fonds de commerce, donc la personne physique, veut le céder, ou s'il est absent pour des raisons de santé pendant un certain temps, eh bien tout s'arrête, parce que le mandat lui est confié à lui. Donc c'était impératif déjà de créer une société pour que ça soit la société qui porte les mandats et qu'il n'y ait pas, à un moment ou à un autre, un risque de rupture du mandat. Ça, c'était la première motivation. Et bien sûr, la deuxième, vous l'avez indiqué, c'est la séparation du patrimoine de celui qui exerce la profession de son patrimoine personnel, parce qu'il y a des professions, et c'est le cas de la mienne, qui peuvent engager des responsabilités, notamment on l'a vu dans l'entretien des immeubles, et si on commet une erreur, une négligence, on peut être mis en cause personnellement. Mais vous avez une assurance, non ? On a une assurance responsabilité civile, mais elle peut être limitée. Ouais, tout à fait. Donc l'avantage de la SARL, c'est bien de séparer ce patrimoine. C'est une société facile à créer, mais bien sûr avec des statuts qui doivent être rédigés intelligemment. Tout à fait. Alors, donc près de 850 000 entreprises ont vu le jour en 2020, malgré la crise sanitaire et économique. Une augmentation de 4% par rapport à 2019. Un nouveau record étonnant, vu le contexte. 10% sont des sociétés et sur ces 10%, environ 35% sont des SARL. Ce pourcentage diminue cependant au profit de la SAS, puisqu'en 2015, près de 50% des créations étaient des SARL. Donc on est passé cette année à 35%. Donc la SARL n'est plus vraiment à la mode. Alors, la SARL est une société à responsabilité limitée. Donc, un de ses avantages, comme on l'a dit tout à l'heure, est que l'entrepreneur associé ne peut perdre que ce qu'il a apporté dans la société. On ne pourra pas saisir ses biens personnels. Et donc, c'est pour ça que vous avez décidé de choisir la SARL pour limiter votre responsabilité. Vous aviez d'autres choix ? Vous vous êtes posé d'autres questions au niveau du statut juridique ? C'est-à-dire que quand je l'ai créé en 2002, cette société avec apport du fonds de commerce, qui existait déjà, les SAS étaient moins pratiqués. D'accord, oui, tout à fait. La SARL est donc parfaitement adaptée pour les structures familiales de taille réduite, mais elle s'adapte difficilement aux évolutions. Monsieur Devaux, avez-vous pensé à faire évoluer justement la structure juridique de votre société ? Bien sûr, parce qu'une société qui s'est établie et qui a des responsabilités vis-à-vis de son personnel, vis-à-vis de ses clients, doit prévoir son avenir, et notamment une succession ou une poursuite d'activité beaucoup mieux adaptée. Et la SAS permet de différencier, je dirais, l'opérationnel de la détention des actions. Il y a un président, il peut y avoir un directeur général. Donc c'est quelque chose qui permet de continuer dans d'autres conditions et d'organiser une transmission d'entreprise, mais qui n'est pas le cas dans l'immédiat pour moi, je vous rassure. Très bien, merci. Merci donc Isabelle pour cette présentation du statut de la SARL. Eh bien ainsi s'achève donc cette émission de l'Instant Éco. Merci Monsieur Devaux d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu. Je vous remercie. J'espère que nos auditeurs vont pouvoir mieux comprendre désormais donc le métier donc de professionnel immobilier consacré à la gestion immobilière à travers le métier d'administrateur de biens et de syndic de copropriété. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page Facebook de Radio Fadjet, de nous faire part des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans cette émission. Francine et Isabelle, à la prochaine fois, donc c'est d'ailleurs dans le mois prochain. Tout à fait, Jérôme. À bientôt, Jérôme. Voilà, merci à tous. N'oubliez pas de rester fidèles à Radio Fadjet.